Bonjour Tiffaine et bonne fin d'après-midi à vous. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Edith Wharton a été l'écrivaine du passage de la belle époque américaine autant qu'européenne à la modernité du XXe siècle. Une analyste aussi des signes subtils échangés dans les salons de Paris, de New York ou de Londres. Première femme à recevoir le Pulitzer en 1921. Elle aura souffert malgré ses succès littéraires d'une personnalité angoissée, gênée par le désamour d'une mère qui fut lointaine et froide. Sa biographie, c'est Jean Pavant qui nous l'a raconté lundi au cours de notre émission introductive. Et puis nous avons poursuivi notre semaine avec le parcours de l'œuvre, révélant les grands thèmes d'Edith Wharton comme le changement de civilisation à l'œuvre à la fin du 19e siècle, mais également la vie mondaine vue comme un spectacle perpétuel et la solitude dans le couple. C'est Anne Ulmo qui nous a expliqué tout cela. Enfin hier, nous sommes arrêtés sur deux livres en particulier de Wharton, L'âge de l'innocence et Ethan Frome, avec les traductrices respectives de ses œuvres, Sarah Foss puis Julie Wolkenstein. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler Italie, voyage et philosophie d'Edith Wharton, nous sommes justement avec un philosophe, Maxime Rovert, enseignant à l'Université catholique de Rio de Janeiro, spécialiste de la pensée de Spinoza, dont il a par exemple traduit La Correspondance en 2010 pour GF Flammarion. Et puis, il a récemment publié chez le même éditeur le livre Que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même, dans lequel il se demande pourquoi on en vient toujours à appliquer ce qualificatif de con à quelqu'un d'autre que soi. Mais si nous invitons aujourd'hui, c'est pour ses traductions et ses préfaces à trois petits livres de Wharton, publiés chez Rivage Poche, Paysages italiens, Béatrice Palmato et La plénitude de la vie. La plénitude de la vie dont on écoute tout de suite un court extrait. J'ai parfois pensé que la nature d'une femme est comme une grande maison pleine de pièces. Il y a le hall, dans lequel tout le monde passe en tous sens, le salon, où l'on reçoit les visites officielles, la salle à manger, où les membres de la famille vont et viennent à leur guise. Mais au-delà, bien au-delà, il y a d'autres pièces, dont on ne pousse peut-être jamais les portes, dont personne ne connaît le chemin, dont on ne sait où elles mènent. Et dans la pièce la plus retirée, dans le sein des saints, l'âme se tient assise, seule, guettant le pas de quelqu'un qui ne vient jamais. Une lecture par Vanda Bénès. Bonjour Maxime Rovert. Bonjour Mathieu. Alors la nature d'une femme est comme une grande maison pleine de pièces, écrit Edith Wharton. C'est assez amusant de voir comme le motif de la maison et de l'architecture est souvent présent chez elle. Ça représente quoi la maison? C'est un refuge, c'est même peut-être le refuge des refuges, celui où se cache l'intériorité. Oui, surtout je crois qu'il faut prendre Wharton à la lettre, c'est-à-dire que pour elle la maison c'est l'un des lieux où s'exprime une personnalité. Hein, elle a écrit des livres de décoration qui pour nous paraissent un peu secondaires, mais pourtant elle a pris très au sérieux la nécessité de fabriquer un intérieur qui lui ressemble. Vous les avez lus, ces livres de décoration? Alors, c'est accablant. Hein. À ce point-là? C'est-à-dire que en fait, on retrouve la culture, je dirais, cette espèce de culture de la très haute bourgeoisie qui à la fois mêle un très grand raffinement et en même temps une sorte de d'ignorance presque totale de je dirais des inégalités sociales. C'est-à-dire que il n'y a pas de limite au luxe. Voilà. Alors c'est vrai que ce qui est beau chez Wharton, c'est que le luxe pour elle, c'est d'abord un jeu de sensations et qui va donc renvoyer à la fois à de la culture, c'est-à-dire son amour de la Renaissance italienne, sa fascination pour le gothique qui lui vient de Ruskin, tout un univers comme ça culturel très dense et très riche, et en même temps un univers de sensations très fortes puisqu'elle s'y connaît très bien en horticulture. nature également. Et donc, c'est aussi pour ça que les paysages italiens, c'est très difficile à traduire, c'est qu'elle utilise des mots extrêmement précis pour désigner les essences d'arbres. Donc, il faut quand même suivre attentivement ce mélange donc de sensations liées à la nature et de souvenirs qui sont plutôt liés à sa culture. Mais qu'est-ce que cela représente selon vous pour Edith Wharton que de rendre joli un intérieur? Est-ce que c'est une façon de se protéger du monde, d'établir une sorte de cordon sanitaire entre la beauté et la laideur? Je crois que en tant que métaphore, la maison c'est aussi l'endroit qui organise, je dirais, des seuils successifs qui sont marqués par des portes qui doivent être fermées ou alors s'ouvrir aux besoins, enfin selon le désir des personnes. Et ça, par exemple, dans les nouvelles fantastiques, on le sent très bien. C'est-à-dire une porte qui ne s'ouvre pas immédiatement, ça devient angoissant, ça suggère des présences, etc. Or, dans l'extrait qu'on a entendu, on sent bien que pour Wharton, il existe dans une maison un lieu qui est le lieu de l'intime. Et donc, il y a cette idée, en fait, que dans la maison, on reçoit des gens, mais seulement dans certains espaces, et qu'il y a d'autres espaces où, en fait, on voudrait recevoir aussi des visites, mais ces visites ne viennent jamais. Et c'est la grande tragédie des personnages d'Edith Wharton. Absolument. Qu'on retrouve d'ailleurs dans un certain nombre des nouvelles dont on va parler aujourd'hui. La beauté, c'est quoi pour Edith Wharton? Est-ce que c'est la symétrie? Est-ce que c'est l'équilibre? Un petit peu comme dans l'architecture classique, on a le sentiment parfois justement que l'architecture pour Wharton, c'est un reflet de l'ordre moral. Une maison bien équilibrée, comme un temple grec, reflète une personnalité également bonne et équilibrée. Idéalement, oui, mais je crois qu'elle est sensible à une ouverture vers quelque chose de plus sublime que ça. Donc, elle a une attitude un peu ambivalente qui suggère à la fois effectivement ce goût de l'ordre et de des choses bien faites et d'une organisation qui laisse en fait l'esprit à l'aise. Hein, parce que justement, on se trouve pas submergé d'objets ou de fleurs ou de donc ça, ce sont des choses auxquelles elle est très sensible. Et en même temps, je crois qu'elle est attentive au fait que cette joliesse, je dirais, cette beauté organisée, n'a de sens que pour projeter en fait à la fois les sensations et les pensées vers quelque chose d'un tout petit peu plus grand que le jeu humain des mondanités. Et ça très tôt, hein, la jeune Wharton est sensible à ce que les mondanités comportent d'oppression et donc à ce qu'une maison bien organisée comporte de caché. Il y a des choses cachées. Elle restera, cela dit, toujours dans ce monde-là. Il n'y aura pas de volonté chez elle, vraiment, de quitter la joliesse, comme vous le dites, même si elle la sublime d'une autre manière. Mais elle reste toujours attachée, quand même, à ces idées-là. Oui, puis je pense que quand elle voyage, par exemple, en Italie, il y a certaines pages qui sont quand même un peu folkloristes, c'est-à-dire elle est attentive à la manière dont les paysannes des montagnes s'habillent, elle observe les différences d'un village à l'autre, donc elle est attentive en fait à ces formes d'altérité, mais on sent qu'elle reste quand même dans un rapport très esthétique, c'est-à-dire que encore une fois, à aucun moment elle va se poser des questions directement sociales, à aucun moment elle va s'interroger sur je sais pas, les conditions sanitaires, sur toute une dimension de l'humain qui pour elle ne lui apparaît pas comme fondamentale parce que, encore une fois, il y a ce rapport très esthétique à la vie. Donc elle aurait pu continuer dans la voie de la décoration, mais elle a choisi la littérature. Pour vous, tout de même, la littérature a toujours été plus importante pour elle. C'est simplement qu'elle n'a peut-être pas pu ou pas osé, jusqu'à un certain moment, vraiment écrire et publier. Mais ça reste le point central de sa personnalité depuis qu'elle s'intéresse finalement au monde. Complètement. En réalité, c'est sa planche de salut. C'est-à-dire, c'est le lieu où s'exprime une vérité qui est qui n'est pas acceptée en fait dans l'espace social et qui pourtant est la vérité, la plus intime, la plus intense, celle au fond autour de quoi tourne tout le reste. C'est très beau dans une nouvelle qui s'appelle L'ermite et la sauvageonne. Elle imagine en fait un couvent au milieu duquel se trouve un puits et sa sauvageonne veut se baigner sans cesse dans l'eau claire et les religieuses l'en empêchent. Et donc c'est un peu cette vérité-là, cette vérité de l'eau claire où le corps trouve à se ressourcer que Wharton va trouver dans la littérature elle-même. Donc elle écrit pas, même si c'est une esthète, même si c'est une dame de la haute société, même si elle est très élégante et très éduquée et qu'elle ne se départit jamais de cette sophistication, en même temps, elle est sincère en littérature. Il y a quelque chose de très fort et de très beau en fait dans son rapport aux histoires. Alors ces trois petits livres publiés donc chez Rivage et que vous avez préfacé Maxime Rovert, on peut considérer au moins pour deux d'entre eux. Béatrice Palmato, on en parlera, c'est un petit peu différent, mais que ce sont parmi les premières nouvelles qu'elle ait écrites, hein, puisque ou en tout cas publiées, puisque on parle là de 1893, donc elle a quoi 31 ans à peu près. Absolument. De notre point de vue, 31 ans, c'est pas une toute jeune femme. Et pourtant, pour elle, c'est une sorte de coming out en fait. C'est-à-dire que elle grandit dans un environnement où la bibliothèque de son père la fascine, mais est en partie interdite. Bon, ça l'empêche pas de braver les interdictions, mais malgré tout, son goût pour la littérature est considéré comme, disons, une sorte de mauvaise manie. Et à partir du moment où elle est publiée, elle est d'abord la première surprise, évidemment, elle va être amenée à assumer une chose qui jusqu'à présent encore une fois n'était considérée que comme un caprice. Alors c'est vrai que dans le recueil qui s'appelle La plénitude de la vie, moi j'ai pris un malin plaisir à sélectionner justement les nouvelles les plus précoces en fait, ses premiers essais en littérature qui avaient été publiés en revue mais pas en volume. Hein. Exactement, dont elle avait assez honte en fait, notamment parce qu'elle trouvait qu'ils étaient écrits sur une note trop haute, dit-elle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de strident dans La plénitude de la vie, on va en parler, mais cette vérité dont nous parlons est sortie chez elle sous la forme d'un cri. Et on sent dans ces nouvelles que la jeune femme qu'elle est a une sorte de rage rentrée. Et donc c'est très fort parce que lorsque ça se met en récit, cette rage rentrée, c'est ce qui donne naissance à un art de la nouvelle extrêmement abouti, puisqu'en réalité, la nouvelle, c'est très rapide, donc il faut monter une histoire et arriver rapidement à une conclusion qui soit frappante. Mmh. C'est pour ça que ce sont de grandes réussites, même si elle-même les trouvait au fond impudiques. Vous dites qu'elle décide de défoncer la porte de tous ces carcans, le mariage, la fortune, les voyages, pour aller vers l'air libre. On va écouter justement un premier extrait d'une nouvelle de La plénitude de la vie. C'est justement celle qui s'appelle La plénitude de la vie et elle débute par l'agonie d'une femme. On écoute. Depuis des heures, elle était couchée dans une sorte de douce torpeur, proche de cette délicieuse lassitude qui vous enveloppe en plein été, dans la paix de midi, quand la chaleur semble avoir fait taire les oiseaux et les insectes mêmes, et qu'allongée dans les herbes frangées d'un pré, on contemple, à travers un toit de feuilles d'érable, l'immense étendue bleue, sans ombre ni sous-entendu. De temps en temps, à intervalles croissants, un éclair de douleur la traversait, comme la foudre zigzaguant dans le ciel de l'été. Mais il était trop passager pour secouer sa torpeur, cette calme, délicieuse, insondable hébétude dans laquelle elle se sentait sombrer de plus en plus profondément, sans que nul réflexe de résistance, nul effort pour s'accrocher aux rives fuyantes de la conscience ne vînt la perturber. La résistance, l'effort avaient eu leur moment de violence, mais à présent ils touchaient à leur fin. Son esprit, longtemps harcelé de visions grotesques, d'images fragmentaires de la vie qu'elle quittait, d'extraits obsédants de poèmes, de retours obstinés d'images qu'elle n'avait vues qu'une fois, d'impressions indistinctes de fleuves, de tours et de coupoles collectées tout au long de voyages à demi oubliés, Son esprit, maintenant, n'était plus traversé que de quelques sensations primitives de bien-être incolore, d'une vague satisfaction à l'idée qu'elle avait avalé la dernière gorgée de son ignoble médicament et qu'elle n'entendrait plus jamais craquer les bottes de son mari, ses horribles bottes, et que personne ne viendrait l'ennuyer à propos du dîner du lendemain ou de la note du boucher. Alors cette agonie va conduire la femme jusqu'au ciel, et là elle va se retrouver devant l'esprit de la vie. Que va lui dire cet esprit de la vie ? Eh bien, en fait, il lui promet de trouver dans l'après-monde l'âme sœur qu'elle n'a pas rencontrée pendant le cours de son existence. Et ce qui est très troublant, c'est qu'au fond, la jeune Wharton, qui est déjà mariée, imagine ce que pourrait être une autre vie où elle rencontrerait effectivement cette fameuse âme sœur qui, en réalité, correspond à ses amitiés, quoi. Mais c'est-à-dire quelqu'un qui aime la culture, avec qui elle pourrait vraiment discuter, qui pourrait parler de peinture, d'Italie, justement. Voilà, à un moment, justement, donc on lui présente cet être, ce double, et il y a un très beau dialogue où, en fait, les deux âmes sœurs se coupent la parole l'une à l'autre. Se finissent les phrases les uns des autres. Absolument, parce qu'ils comprennent, ils anticipent les sensations de l'autre, les souvenirs de l'autre. Ils ont, encore une fois, ce mélange de sensations très intimes et de culture et de souvenirs comme ça, littéraires, extrêmement subtils. Et donc, ce qui peut apparaître comme la relation humaine la plus intense, la plus intime, celle où effectivement le cœur, l'esprit, le corps se rencontrent, en fait, son héroïne va s'en détourner. Mmh. Donc elle décide finalement d'attendre son mari, et elle regrette maintenant les bruits de ses bottes. Ouais. Qui craquent. En fait, on sent que dans cette nouvelle, Wharton ne connaît pas quelque chose que une rencontre tardive va lui donner, c'est-à-dire effectivement le caractère simple, brutal et incontournable d'une rencontre de corps. Hein. Et dans La plénitude de la vie, on voit qu'elle est très ironique à l'égard de son propre désarroi. Elle essaye de tourner en dérision l'espérance pseudo-romantique de cette alliance des âmes, et en même temps c'est un cynisme qui va lui être retourné justement par celui qui deviendra son amant, Fullerton, et qui va lui dire lors d'un opéra pendant lequel on voit l'héroïne qui retient le héros qui doit s'en aller et qui le retient comme ça physiquement, qui ne supporte pas qu'il s'éloigne. Et lors de cette représentation, Fullerton a dit à Edith Wharton « ça, tu ne peux pas le comprendre ». Et effectivement, je crois que dans La plénitude de la vie, il y a quelque chose de très beau qui tient à cette ironie, à ce cynisme. Et il y a aussi une grande ignorance de ce que c'est que l'amour, une fois qu'on le rencontre dans cette vie-ci, et qui n'est pas du tout, en fait, une rêverie romantique, qui est une sorte de révélation, un choc, un accident. Parce que c'est une vision de l'amour qui semble tout de même très résignée, une vision de la conjugalité aussi chez Wharton, qui finalement consiste à dire, et on le retrouve d'ailleurs hein, beaucoup dans nombre de ses romans, qui consiste à dire au fond, oui, les choses telles qu'elles nous sont socialement présentées doivent être bonnes finalement, et se marier même avec quelqu'un qu'on n'aime pas tant que ça, ça n'est pas si mal parce que l'amour c'est autre chose. C'est un petit peu ça que semble nous dire la nouvelle, Maxime Robert. Oui, c'est vrai. En même temps, je crois que il faut voir qu'elle fait la théorie d'un mariage que nous ne connaissons plus, qui est alors que c'est pas un mariage arrangé, mais c'est un mariage de raison. C'est un mariage qui s'organise en fonction des fortunes de l'un et de l'autre, qui est d'abord un contrat social, quoi. Hein? Et donc c'est ce contrat social qu'elle essaye de redimer d'une certaine manière, c'est-à-dire au fond, ça n'est pas l'amour, mais il y a là un compagnonnage qui n'est pas dénué de sens. Vous dites que les trois textes dont on parle aujourd'hui sont, je vous cite, les moyens d'une tombée du masque où elle dénonce ses propres illusions en même temps qu'elle s'en avoue complice. Et vous utilisez un peu plus loin un mot qui est le mot de conscience. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et c'est peut-être aussi au philosophe du coup que je m'adresse, par notamment ce mot de conscience, cette idée de complicité aussi. Ben, je crois, on parlait des maisons tout à l'heure, je crois que dans ses premières nouvelles, Wharton, elle a très envie de sortir du rôle social qui lui a été défini. Et les trois nouvelles, en fait, vont essayer de mettre en valeur ce double jeu. C'est-à-dire, comment les personnages à la fois donnent le change à des règles, à des codes, à des comportements qui déterminent en fait ce qui est bien et ce qui est mal, et comment à un moment surgit quelque chose qui est de l'ordre, alors peut-être pas de l'instinct, mais en tout cas du désir, un désir authentique. Et c'est en fait cette révélation de l'authentique qui est ambiguë, puisque au moment même où se révèle son authenticité, le désir doit aussi reconnaître qu'il trouvait son compte dans les codes qu'il a d'abord niés. Mmh. Donc c'est assez complexe en réalité, puisque ça n'est pas simplement, je dirais, la revendication rimbaldienne d'un désir comme ça, un peu dionysiaque, qui rejetterait les conventions. C'est plus compliqué. Il y a ce moment de rejet des conventions, et puis ce retour, comme un peu une retombée de vague, qui fait que Wharton, en même temps qu'elle attire l'attention sur justement le caractère conventionnel de tous ces codes-là, va montrer que le désir y trouve son compte. Donc c'est ça que j'appelais la conscience. C'est la manière dont elle est capable à la fois de reconnaître l'étrangeté du désir et de le réinvestir dans la société. S'il y avait une philosophie d'Edith Wharton, ce serait laquelle? Ce serait une philosophie kantienne? Ce serait quoi? Non, je crois qu'elle est assez tragique en réalité. Je crois que c'est une... En tant que philosophe, je crois qu'elle est assez désespérée. Justement pour cette raison que le désir est traite à lui-même. Hein, c'est un peu ça, en fait. Elle est, c'est presque une trahison intime de l'individu par rapport à ses propres désirs qu'elle essaye toujours de mettre en valeur. Alors ça, réellement, c'est douloureux. Ça n'est pas tellement surmontable, puisque ça, il y a une sorte de dialectique du désir qui fait que on ne retrouvera jamais l'authenticité dans sa pureté. Et ça, je crois que c'est un peu la leçon des livres de Wharton. Mais c'est une philosophie qui serait instinctive, ou est-ce qu'elle est nourrie quand même de philosophie elle aussi? Enfin, est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous sentez de la théorie derrière, des lectures derrière? Ouais, je la ressens pas. Je crois qu'elle est plus plus tournée vers l'histoire de l'art et vers la théorie de l'art que vers du concept pur et dur. Parce que réellement, ce qui lui parle, ce qu'elle mobilise en fait pour comprendre son expérience, ce sont pas justement des philosophes théoriciens de la morale, de non, en fait, ce qui lui parle le plus, ce sont des théoriciens de l'art qui lui permettent de reconnaître dans ses sensations une organisation, dans ses sensations, puis dans l'ensemble de ses expériences, en fait, une organisation du monde que l'art magnifie. C'est ça qui l'intéresse. Il y avait à Portofino un vieux clocher qui s'ennuyait de ne sonner que les matines, quand Portofino se réveillait. Mais après cette nuit divine, on l'entendit sonner un jour, même jusqu'aux villes voisines, nos Portofino. La compagnie des auteurs, nous parlons d'Edith Wharton avec vous, Maxime Rover. Un petit détour par une nouvelle, La lampe de Psyché, avant d'en venir à l'Italie. Il y a le motif de l'histoire très important, dans la lampe de Psyché et de la manière dont le milieu dont Edith Wharton est issu, celui de la grande bourgeoisie américaine, s'insère dans l'histoire de la manière la plus confortable possible, n'est-ce pas, Maxime Rovert? Oui, en réalité, la lampe de Psyché, malgré son titre mythologique, est une nouvelle qui met en scène, je dirais, l'éloignement du milieu de la haute bourgeoisie auquel appartient Edith Wharton, d'avec l'histoire. Et en fait, son héroïne va découvrir que son mari n'a pas fait la guerre, n'a pas participé à la guerre de sécession, tout simplement parce que personne dans ces milieux extrêmement aisés n'allait au front. On évite la guerre. On évite la guerre. On paye des pots de vin pour éviter la conscription. Et donc, cette fuite qui paraît aller de soi pour ces hommes-là, elle la remet en question comme étant justement un signe de pleutrerie. Ce qui est intéressant, c'est que justement dans ce monde extrêmement policier, complètement tourné vers l'art, qui se revendique d'une sorte de joie de vivre et de sublimité, etc., on sent que Wharton, quand même, à un moment, perçoit que le monde dans lequel elle vit, la manière dont ce monde se comporte, en réalité est complètement déconnecté de la réalité de certaines tragédies, en particulier de la guerre de sécession. Il y a une espèce de gêne. Et de fait, la famille Wharton était en Europe, en voyage, au moment de la guerre de sécession. Absolument. Alors, c'est vrai qu'on pourrait y voir une sorte d'exil doré, mais on sent que pour cette bourgeoisie-là, qui est la bourgeoisie de la Belle Époque, qui est celle qui a connu aussi Stefan Zweig, enfin il y a beaucoup d'auteurs comme ça qui ont chanté les délices de cette époque. Il y a quand même un plaisir de vivre qui n'a pas su voir les drames qui se préparaient. Hein. Et donc c'est cette ignorance, cette innocence qu'elle bat en brèche dans cette nouvelle. Ce plaisir de vivre, on l'entend dans cette lecture de Vanda Bénès des paysages italiens. Le mois de mars est à certains égards le plus exquis de l'année italienne. C'est le mois des transitions et des surprises, des averses véhémentes qui vous encerclent, mais que le soleil emplit d'un cœur de lumière dorée, des champs nus qui en une nuit débordent de rejetons de fruits, des haies qui bourgeonnent aussi soudainement que le bâton de Tannhauser. C'est en ce mois que le voyageur du Nord, ayant fini par douter de la clémence promise par les cieux italiens, les eaux, encore engourdies par les rigueurs de l'hiver, découvre un parterre de primes vertes sur un talus sans feuilles, ou la flamme vive des tulipes courant le long des tranchées d'une oliveraie. C'est alors qu'il apprend en somme que l'Italie est l'Italie, et qu'il se réconforte à la pensée d'aller passer le noir mois de mars au-delà des Alpes. Certaines années, une sorte de douce influence apprivoise les intermittences de mars et le soumet à une longue séquence de jours dorés. Celui qui a eu confiance en sa promesse reçoit alors la récompense la plus exquise. Il faut avoir foi en sa chance pour ne pas laisser passer une telle suite de jours et pouvoir voyager avec elle vers le nord, à travers le pays qui s'éveille. Mais de temps en temps, cette grâce est accordée aux pèlerins. Il voit alors une Italie nouvelle, une Italie qui semble s'offrir à lui à mesure qu'il la découvre. Le vieux paysage latin, couvert des rides de l'histoire et des cicatrices de la passion, baigne l'œil dans de frais torrents d'air limpide où il dévoile sa virginité. L'Italie, en un mot, devient la terre où tout peut arriver, sauf l'ennui, l'évidence et la routine. Edith Wharton a donc une très grande passion pour l'Italie, hein, Maxime Rovert, on l'a dit, elle naît très tôt dans son enfance avec les voyages qu'elle fait avec ses parents, puis ça va durer pendant toute sa vie d'adulte. En Italie, c'est là où Edith Wharton respire véritablement. Oui, parce que c'est là qu'elle trouve ce mélange curieux entre effectivement des paysages, des forêts, des montagnes, et puis ces églises où partout elle se plaît à commenter les œuvres des sculpteurs anonymes, mais aussi des sculpteurs fameux, et où elle met en fait en lien un très grand nombre de choses, les peuples, les langues, encore une fois les paysages, et ce que j'appelle la scène, c'est-à-dire c'est elle qui emploie ce mot de scène. Et qui est difficile à traduire en français exactement. Oui, parce qu'en réalité, elle met beaucoup de choses dans cette histoire-là. C'est-à-dire, au départ, c'est une vue pittoresque. Hein, et puis, en même temps, pour elle, c'est une plongée dans l'histoire. C'est-à-dire que cette vision lui raconte quelque chose de l'humain. Et puis, en même temps, c'est une exploration des peuples. Et il faut voir qu'elle parle un italien parfait. Elle parle très bien français également. Et puis, ça la renvoie à tout ce fourmillement de sensations qu'elle adore décrire, parce qu'elle est extrêmement fine dans ses observations, et qu'elle fait un jeu très baudelairien de correspondance entre des odeurs de fleurs, et puis des peintres, et puis des églises, et puis voilà. Donc c'était une femme qui est à la fois en train d'observer un panorama, la scène, mais la scène c'est aussi le décor, voir le spectacle, voir le paysage, et elle arrive à agréger au fond toutes ces choses ensemble, c'est ça Maxime Rovert ? Tout à fait, en fait il y a un côté un peu wagnérien dans sa manière de vivre les paysages. Hein. Elle est vraiment, ce qui est assez amusant c'est qu'elle n'est pas tellement dans le principe de réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas une voyageuse qui va au-devant de la différence radicale, au-devant de l'aventure. Ça n'est pas une aventurière. Ce qu'elle aime, c'est les paysages et l'art, surtout. Exactement. En fait, elle va trouver en Italie la confirmation d'un rêve. Hein, c'est un peu Baudelaire à Amsterdam, Baudelaire en Hollande, chantant les paysages doux et la lumière tamisée de la Hollande. Et ben, c'est un peu Edith Wharton en Italie pour d'autres raisons, mais c'est le pays qui confirme, je dirais, ce désir d'élégance et de beauté qui l'anime depuis toujours. Peut-être aussi d'innocence. Alors c'est au début de Paysages italiens quand elle parle de la Suisse, parce que avant d'arriver en Italie, elle évoque un petit peu la Suisse et elle fait référence à Whitman qui parlait du paysage innocent de sa terre natale en disant voilà, la Suisse c'est l'innocence du paysage. Ouais. Alors elle joue un peu du contraste justement entre les Suisses et les Italiens. On sent qu'elle est pas complètement dépourvue de cet esprit très 19e de ces identités nationales, n'est-ce pas ? Donc elle leur attribue un peu des traits caractéristiques, mais par exemple, elle dit sur l'échelle des Suisses, pardonnez-moi, je vous coupe, mais c'est assez amusant. Avec son air de propreté ostentatoire, on a l'impression que si on en soulevait le toit, on découvrirait à l'intérieur une rangée de rubans adhésifs et de ciseaux, ou bien les cylindres rutilants d'une boîte à musique. Elle n'est pas non plus dénuée d'humour. Oui, oui, c'est ça. En fait, elle considère les Suisses comme des petits nains de jardin, quoi. Voilà. Et elle dit, l'introduction de quelque chose d'aussi irrégulier qu'une œuvre d'art jetterait dans ce paradis pour vieilles filles le désarroi le plus total. C'est quand même difficile à entendre. Mais on sent qu'elle ne dit ça que pour créer un contraste avec le moment où on va entrer en Italie, et comme si en fait le passage de Suisse en Italie était une sortie de l'enfance vers l'âge adulte, l'âge de femme. C'est-à-dire que l'Italie pour elle, à la fois c'est donc encore une fois c'est le pays de la réconciliation entre la nature et la culture, mais c'est aussi un endroit où on va se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus sérieux et plus profond que ce qu'on peut trouver dans le calme de la Suisse. Et en même temps, elle ne vivra jamais en Italie, alors qu'elle a vécu à Paris très longtemps. Pourquoi finalement, si elle a ce si grand amour pour ce pays, ne pas s'installer quelques années là-bas, selon vous ? Si j'en crois mon expérience brésilienne, puisque je vis à Rio, il y a des pays dans lesquelles le passage a une autre valeur que l'habitation. Et le Brésil, par exemple, est un pays absolument fascinant pour un voyageur. C'est un tout autre pays pour quelqu'un qui y vit. Et je crois que l'Italie de l'époque... Vous savez, il faut s'imaginer que dans les guides touristiques de cette époque-là, il y a des recommandations sanitaires pour voyager en Italie qui sont extrêmement rigoureuses. C'est-à-dire, attention à l'eau, attention à tout ce que vous mangez. C'est un peu l'équivalent aujourd'hui de ce qu'on vit quand on va en Inde. Oui. On a peur de tout. D'ailleurs, il faut tenir compte des différences de régime alimentaire pour pas être malade, etc. Et donc c'est ça l'Italie à l'époque. Hein. C'est un pays quand même assez sauvage. Et je crois que Wharton, même fasciné par ce que l'Italie a de raffiné, malgré tout trouve son milieu quand même plus naturellement à Paris. D'une certaine sauvagerie d'Edith Wharton, une autre, une sauvagerie sensuelle. Nous allons parler en seconde partie de cette émission, Maxime Rovert, juste après la chronique d'Olivier Barbaran. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour Olivier Barbaran. Bonjour Mathieu. Vous êtes poète, spécialiste de Louis Aragon, inspecteur général de l'éducation nationale. Et vous venez nous parler du court roman d'Edith Wharton qui s'appelle Été. Ça tombe bien, on l'avait pas encore vraiment évoqué dans cette semaine. Pour quelle raison, Olivier Barbaran, avez-vous choisi ce roman-là en particulier? Eh bien parce que, d'une certaine façon, ce qui a été dit dans la première partie de l'émission a tout révélé de ce roman. Donc il y a une cohérence d'Edith Wharton, c'est formidable. Il y a une cohérence d'Edith Wharton et il en offre peut-être un condensé, mais un condensé un peu particulier, puisque celle qu'on connaît surtout comme la grande analyste, effectivement, de la haute bourgeoisie, a fait quelques romans ruraux, dont Ethan Frome et dont Summer, puisque cette fois, nous sommes dans une bourgade absolument misérable de la Nouvelle-Angleterre, avec des personnages qui sont eux-mêmes de basses conditions, et le récit raconte tout simplement, avec une forte concentration, au point qu'on pourrait parler d'une longue nouvelle de 239 pages, la mésaventure sentimentale ou l'initiation sentimentale d'une jeune fille appelée Charity, qui découvre, par l'arrivée d'un New-Yorkais dans cette bibliothèque qu'elle tient, mais dont elle ne comprend pas les livres, à la fois la séduction, et va vivre pendant une suspension assez simple, qui passe bien entendu par le 4 juillet et la fête du 4 juillet, puisque nous sommes aux États-Unis, à la fois l'expérience de la chair, du désir, de l'amour, et puis évidemment de l'abandon lorsqu'elle est enceinte et que le New-Yorkais est reparti chez lui. Alors c'est un roman qui, dans sa structure, vous a semblé relativement simple, Olivier Barbaran. Oui, on y retrouve l'extraordinaire peintre à la fois de paysage, d'intérieur et de portrait qu'est Edith Wharton, dont je crois qu'elle a vraiment une qualité de vision, de regard et de description absolument admirable. Mais il est vrai que la correspondance complète entre l'espace, le temps et l'intrigue, l'été se déploie et l'été se déployant crypte d'une certaine façon l'initiation sentimentale. L'hiver arrive, enfin l'automne arrive et là on découvre les reliefs désastreux pour une femme dans la condition féminine de l'époque d'être enceinte et d'être abandonnée. Il y a donc une sorte de simplicité évidente entre la porte qui s'ouvre pour nous faire découvrir Charity au début du roman et la porte devant laquelle elle va se retrouver pour rentrer de nouveau dans sa maison à la fin. Mais cette structuration qui peut paraître presque surlignée, puisqu'on voit très bien comment les fleurs dont on a parlé dans la première partie d'émission explosent en bouquets qui donnent lieu d'ailleurs à des moments d'intense poésie. Enfin, ce rapport esthétique au paysage est très profond et très puissant dans l'explosion des feux d'artifice qui elle-même est sans doute le cryptage d'une scène sexuelle qu'on ne verra jamais dans le livre. Cette simplicité apparaît de la forme, de cette concentration peut à la fois être vue comme une sorte de facilité des moyens, de surlignement peut-être des moyens, et c'est souvent comme cela qu'on a envisagé Edith Wharton. On peut se demander si ce n'est pas parce que c'est une femme, comme une sorte de disciple. On passe son temps à dire, là on aurait une sorte de réécriture de Madame Bovary, à d'autres endroits on a des réécritures d'Henry James. On a ensuite, dit que c'était son roman préféré, Madame Bovary. Mais je crois que au fond, c'est plutôt la concentration tragique qui caractérise cet espace. Plus qu'un surlignement, il y a de toute façon un double fond. En effet, si on regarde de près ce livre, Charity s'appelle comme cela parce qu'elle a été adopté par un avocat lui-même un peu en déglingue et dont la femme en plus est morte. Donc la voilà orpheline de mère, adoptée par un homme qui est un avocat misérable et généralement alcoolique. Et elle porte ce nom de Charity pour bien marquer jusque dans son empreinte le fait qu'elle doit quelque chose parce qu'elle vient du pays et il n'y a donc pas deux espaces, hein, non pas New York et cette bourgade, mais il y a encore un état de barbarie supplémentaire qui s'appelle le pays des montagnes dont elle vient. Et le pays des montagnes est une sorte de mythe véritable pour le village, qui est un état de barbarie. Or, il se trouve que Charity va donc découvrir l'expérience de la déception, c'est certain, mais elle va aussi faire une quête identitaire, puisqu'elle se retrouvera lorsqu'elle veut fuir le village, elle reviendra parmi les siens, comme elle dit, et elle découvrira qu'elle n'y a pas non plus sa place dans cette misère absolue pour voir sa mère morte dans la misère et l'alcool. Et là, l'intérêt, je crois, et la subtilité d'un roman à double fond, c'est que comme souvent, comme le roman est fondé, comme très fréquemment chez Edith Wharton, sur un point de vue interne, nous n'avons vu son tuteur sous la forme d'un homme laid, alcoolique et un peu incestueux que par les yeux de la jeune fille. Or la jeune fille va découvrir que la seule personne qui peut le sauver, c'est évidemment ce tuteur qui décide de l'épouser et la ramène chez elle. Et chez elle, hélas, ce n'est ni la ville dont elle a rêvé, ni cette origine dont elle a vu qu'elle n'était pas la sienne. Et elle va découvrir une sorte de maturation qui en fait l'épouse de son père. Et c'est le seul moyen de sauver la face socialement. Est-ce que vous diriez que ce roman qui est chaste, mais où le désir, on le comprend, est très présent, est-ce que dans ce roman, le désir est libérateur ? En fait, non. Comme cela a été très bien dit, l'explosion du désir est esthétique. Il fait une révélation de soi-même, mais d'une certaine façon, l'ordre social gagne toujours. Et on ne peut pas faire autrement que de faire gagner l'ordre social. En revanche, dans la révélation de l'identité, dans le progrès intellectuel et en conscience que fait la jeune fille, un peu bête du début, et qui devient quelqu'un qui a compris un certain nombre de choses, le désir est splendide, mais il n'est que formateur. Merci beaucoup Olivier Barbaran pour cette analyse du livre « Été » d'Edith Wharton. À très bientôt. La compagnie des auteurs voyage cette semaine de la Nouvelle-Angleterre à la vieille Europe dans la voiture d'Edith Wharton. C'est une Panhard et Levasseur, bien entendu. Nous sommes avec Maxime Rovert pour parler à présent d'un autre texte d'elle, un texte qu'il a traduit, Béatrice Palmato. Voici un extrait de ce fragment érotique, longtemps inédit, pardon, toujours lu par Vanda Bénès. Elle sentait chacune de ses fibres vibrer à son toucher, comme autrefois avec aujourd'hui une hâte plus passionnée, grandie dans la privation et la terne misère de son mariage. Elle se laissa sombrer dans les oreillers derrière elle, et déjà M. Palmato était à genoux, à ses côtés, le visage tout près du sien. Une fois de plus, ses lèvres brûlantes furent écartées par sa langue. Elle la sentit s'insinuer entre ses dents et plonger dans les profondeurs de sa bouche en une longue caresse avide, pendant qu'au même moment, ses mains séparaient doucement les minces plis de son peignoir. L'une après l'autre, elles gagnèrent sa poitrine et elle sentit que ses deux seins pointaient vers elle, les tétons durs comme du corail, aussi sensibles que des lèvres au contact qui s'approchait. L'instant d'après, sa langue avait quitté sa bouche évanouie et se tordait comme un doux serpent rose sur chaque sein. Puis d'un coup, il lui retira entièrement son peignoir. Il murmura « Je te veux tout entière. Je veux que mes yeux puissent voir tout ce que mes lèvres ne peuvent pas couvrir. » Et l'instant d'après, elle était libre, étendue devant lui dans sa fraîche et jeune nudité, et elle sentit, oui, que ses yeux la couvraient de baisers enflammés. Mais M. Palmato ne restait pas inactif, et tandis que cette sensation se diffusait en elle, il avait glissé l'un de ses bras sous son dos et l'avait enroulé autour de son torse, si bien que sa main se ferma de nouveau sur son sein gauche. Au même instant, l'autre main écarta doucement ses jambes et se mit à glisser vers le haut jusqu'à l'ancien chemin qu'elle avait si souvent arpenté dans le noir. « Alors c'est une toute autre Edith Wharton qu'on découvre avec ce texte, Maxime Rovert, une Wharton des plus inconvenantes. Je crois que c'est une Edith Wharton qui se découvre elle-même également, c'est-à-dire qui est surprise. Hein. Il faut imaginer ce que ça a été pour elle de découvrir l'amour au sens charnel à 45-46 ans. C'est-à-dire à la fois de se rendre compte qu'elle a passé sa vie entière dans l'ignorance de quelque chose d'aussi fondamental pour les êtres humains. En fait, tout s'éclaire, toutes les histoires d'amour s'éclairent à la lumière de cette émotion charnelle, et en même temps quelque chose d'un défi se révèle à elle, puisque là ça elle en a jamais vraiment parlé puisqu'elle n'en avait pas l'expérience. Mmh. Et en même temps avoir ces expériences sensorielles et sensuelles à cet âge avancé, c'est ce qu'on peut imaginer de plus inconvenant à l'époque. Avec donc Morton Fullerton qui est donc ce garçon, cet homme, qui était beau comme un dieu, qui séduisait absolument tout le monde, un petit peu comme le jeune homme de Pasolini dans Théorème, Maxime Rovert, oui, ce genre-là. Tout à fait, on a l'impression que il y a comme ça certaines individualités qui traversent le monde nimbées de l'aura d'Eros, et Fullerton... Et Casanova, peut-être un petit peu. Alors, peut-être que Casanova tient ça, mais chez Casanova, il y a quelque chose de beaucoup plus social. C'est-à-dire que Casanova, c'est un homme qui est là, qui lutte pour sa propre liberté et qui est prêt à partager cette lutte avec d'autres. Or, ce qui se passe avec Fullerton, c'est que chez lui, la sensualité semble être innée. Hein. Il la partage très volontiers, mais avec une légèreté désarmante. C'est-à-dire que c'est tout le contraire de Casanova. Casanova, c'est pas un homme léger, c'est un homme qui incite à la liberté, ce qui est une chose grave et merveilleuse. Mais Fullerton, lui, il donne sans compter, parce qu'il donne un peu sans s'en apercevoir. Il donne avec une sorte de désinvolture, comme ça, et d'ignorance, qui fait que, au fond, je crois que ses amants et amantes, puisque en fait, il a été aussi bien l'amant de Henry James que d'Edith Wharton, reçoivent de lui encore plus qu'il ne donne. Oui. Alors, on peut citer Henry James qui lui avait écrit cette lettre. « Vous faites de moi ce que vous voulez. Vous êtes terriblement intelligent. Vous êtes de toute façon le plus grand luxe que je puisse concevoir. Et je devrais m'étonner de savoir comment diable je puis vous assumer. Cependant, je veux persister en vous. En fait, je veux encore plus de vous. Vous êtes éblouissant, mon cher Fullerton. Vous êtes beau. Vous êtes plus que délicat. Vous êtes tendrement, magiquement tactile. » Voilà, donc il faut imaginer un dandy, élégant, cultivé, amusant, qui rend les gens proprement dingues. C'est-à-dire que les James, Wharton vont s'amouracher de lui, mais avec une intensité tout à fait étonnante. Et on sent que effectivement, à l'arrière de cette affection, il y a réellement quelque chose de physique. C'est-à-dire qu'on sent qu'on aurait un dandy nu. Quelqu'un qui serait encore plus beau, encore plus élégant, nu, encore plus subtil dans les caresses que dans les mots. Enfin, qui aurait quelque chose chez Fullerton de réellement d'un dieu du sexe, quoi. Et alors, est-ce qu'on sait, Maxime Rovert, si c'est cette rencontre avec Fullerton qui donne l'idée, l'envie, l'impulsion à Edith Wharton d'écrire ce texte dont on a entendu un extrait tout à l'heure, ce fragment érotique de Béatrice Palmato ? Alors, le problème de ce fragment, c'est que comme il a été découvert récemment, on ne sait pas trop où le situer, ni dans la biographie, ni dans l'œuvre de Wharton. Ce qu'on peut dire, c'est la chose suivante. Ce fragment est inconcevable sans la rencontre entre Wharton et Fullerton. Donc, on peut au moins dire que c'est une cause nécessaire, mais peut-être pas suffisante. Ce qui, en même temps, a pu pousser Wharton à faire cet exercice d'écriture, c'est justement le fait que Fullerton riait de sa propre, enfin de l'ingénuité d'Edith Wharton, qui était tout à fait novice justement en termes de sexualité, et qui a pu considérer qu'il y avait là quelque chose de très difficile à dire, très difficile à décrire, et on sent que ce qu'elle découvre, ce qui l'étonne en fait dans le sexe, c'est l'organe. C'est-à-dire que au fond, là, il y a quelque chose qui est beau, mais qui n'est pas beau parce que ça s'inscrit dans la littérature, qui n'est pas beau parce que c'est esthétique. C'est beau parce que c'est de la chair. Et alors justement, comment le décrit-elle et comment ensuite l'avez-vous vous-même traduit ? Est-ce que pour vous, c'est de la belle littérature érotique ? Alors, je suis pas un très grand spécialiste de littérature érotique, mais en tant que traducteur, je peux dire que c'est le texte le plus abominable que j'ai jamais eu à traduire, puisque la grande difficulté de scènes érotiques, c'est que vous avez compris le sens, mais que tout, absolument tout, va dépendre du choix des mots. Mmh. C'est-à-dire que une fois que vous avez compris qui fait quoi et dans quel sens, évidemment, toute la couleur. En fait, tout l'érotisme va dépendre en fait du traducteur. C'est-à-dire que il y a aucune transparence possible, puisque en fait, ça n'est pas la scène qui importe. Surtout dans ce fragment où en réalité il n'y a pas de complexité, je dirais d'emboîtement comme chez Sade ou même chez Casanova. Des fois, il y a des positions un peu compliquées qu'il trouve chez l'Arétin, etc. Ici, non, c'est une scène très simple qui décrit des caresses orales très très simples, élémentaires, et où donc la responsabilité du traducteur est absolument angoissante, quoi. Can you feel the vibration waving through me? Another kind of sensation. See, can you see? See how I operate now? How modulate now? Can you feel the vibration? Alors, ce qui est très troublant, Maxime Rovert, dans ce fragment de Béatrice Palmato, c'est que c'est une scène d'amour entre Monsieur Palmato et Béatrice Palmato, et pourtant, ils ne sont pas mariés femmes. Oui, alors en fait, je crois qu'il faut faire la différence entre les deux parties du texte, c'est-à-dire il y a un fragment érotique, et ensuite il y a une petite nouvelle. Les deux sont censés concerner la même héroïne, Béatrice Palmato, donc. Et pourtant, il me semble qu'il y a quelque chose d'une inadéquation entre les deux. En gros, mon hypothèse serait la suivante. Il me semble que dans le fragment érotique, Edith Wharton a voulu décrire des sensations très précises et très nouvelles pour elle. Et donc elle a pensé à une scène de couple classique, alors que dans la nouvelle qui suit, il y a inceste entre le père et la fille. En fait, on a l'impression que elle fait d'abord une sorte de tableau de genre, une sorte de voilà, la scène érotique telle que la vie la défie de l'écrire en quelque sorte, et puis ensuite elle se demande dans quelle histoire cette scène pourrait s'inscrire, et c'est là qu'elle invente une histoire d'inceste où, à mon sens, en fait, elle noie un petit peu le poisson, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ce qui la bouleverse dans le sexe, c'est ce rapport tout à fait organique de corps à corps, et où finalement l'inceste va en réalité reconstruire la question de la convention sociale, de la quitte à ce que ce soit justement de la transgression, mais cette transgression exagérée, qui est celle de l'inceste, masque en quelque sorte la transgression toute simple qui est cette existence physique irréfléchie, quoi. Et il me semble que Wharton aura, de ce point de vue-là, échouer à regarder réellement en face et de manière continue ce que le sexe lui révélait. Mais évidemment, l'histoire avec Fullerton est triste, puisque Wharton va se retrouver un peu comme l'héroïne de l'été, un peu abandonnée par Fullerton, dont c'est la spécialité. En fait, c'est un amant qui apparaît puis qui disparaît. On ne peut pas lui en vouloir, visiblement. Et oui, en plus. Et donc, c'est vrai qu'on a le sentiment que la littérature se referme comme un piège autour de cette découverte sexuelle et sensuelle, quoi. Et alors, ce qui est aussi un peu avorté, c'est qu'il n'y a pas de publication, il n'y a même pas d'écriture à proprement parler, elle ne finit pas ce projet-là. Elle dira dans une lettre qu'elle a dans la manche un synopsis d'inceste qui les ferait tous passer pour des comptines de jardin d'enfants. Les, ça veut dire les Moravia, les Faulkner et les Céline. Mais pourquoi ne va-t-elle pas, selon vous, jusqu'au bout? Est-ce par pudeur? Est-ce que finalement elle n'a pas suffisamment abouti sa réflexion sur ce sujet-là? Oui, je pense que il y a deux choses. D'une part, d'un point de vue strictement littéraire, ce n'est pas son ton. Elle est subtile dans la description. On en parlait tout à l'heure de relations sociales, humaines, de sentiments, de choses très sophistiquées. Mais la sophistication du sexe, c'est vraiment autre chose. Ça ne correspond pas vraiment au même code et au même type d'écriture. Elle en a conscience et ça l'énerve en fait, puisque on sent que Faulkner, Céline, tout ça, ce sont des auteurs qui l'interpellent d'une certaine manière. Elle voit bien qu'il y a quelque chose là qui se dit et qu'elle elle-même n'est pas capable de dire de cette manière-là. Ensuite, il y a cet aspect quand même biographique qui fait que on peut imaginer qu'elle laisse de côté l'émotion de cet amour-là, puisque ça finit de manière triste, quoi. Et puis même, c'est même pas tragique, c'est banal. Donc il y a quelque chose de non littéraire aussi dans cet amour qui finit dans les marécages, quoi. Mais elle a quand même laissé un très beau poème qui s'appelle Terminus, qui fait aussi partie de ce petit recueil. Qui achève le recueil. Il aurait fallu dire qu'il y a plusieurs petits textes, hein, tous très intéressants dans ce recueil-là, mais on n'a malheureusement pas le temps de le faire. Et donc sur Terminus, un mot peut-être, Maxime Rover. Sur Terminus, un mot peut-être, juste un vers. C'est ce vers-ci. Allez, je lis trois vers. J'étais heureuse de penser à ces autres, anonymes, nombreux, qui peut-être s'étaient couchés ainsi, s'étaient aimés une heure sur le rebord du monde, en secret, rapidement, au cœur de la tempête du voyage, entre les secousses et les cris des trains, l'inquiétude nocturne de la circulation. Merci beaucoup, Maxime Rover. Je rappelle que vous êtes écrivain, philosophe et traducteur de Wharton. Vous avez traduit chez Rivage Poche Paysages italiens en 2012, La plénitude de la vie l'année suivante et Béatrice Palmato l'année encore suivante, c'est-à-dire en 2014. Votre dernier essai, Que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même, vient de paraître chez Flammarion. C'était La Compagnie des auteurs, une émission d'Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Didier Pinault, Laurent Travaglishanal, Garance Mazelier et Dali Yaha. Demain, dans La Compagnie des poètes, il sera question avec Guillaume Métayer des poésies complètes de Nietzsche parues aux belles lettres. C'est une émission de Manu Farine, mais la poésie, on en écoute déjà sur France Culture, tout de suite avec Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour à tous. Nous reprenons notre flambeau aphoristique. N'expliquez pas, je n'ai pas compris en ce quatrième jour. Et tiens, nous retrouvons un poète objectiviste, Konrad Haeken, ami de Zukovski que nous lisions au début de la semaine, dans Cristal, paru aux éditions La Barque. La traduction est de Philippe Blanchon et cela donne, dès la première page, « Quelle heure est-il maintenant ?» Frère Pythagore, près de la pierre pâle, serti comme un joyau sur le sommet de Sheepfold Hill, là où la petite araignée, ton géomètre, se recroqueville quand vient l'automne dans la courbure d'une feuille, son monde déchiré, soufflé par le vent. N'expliquez pas, je n'ai pas compris, mais c'est magnifique. Continuez, Cristal. Stony Brook transporte ses nageoires vers la mer. Quatre cloches chantent maintenant dans la cabine éclairée du pêcheur. Plus loin, à 7 heures dans l'ancienne ferme, les cocktails scintillent sur le plateau. La réponse prudente résout la question fortuite. Une confusion raisonnée troublant calmement l'issue du jour ou de l'heure. Nos noms, ceux avec lesquels nous sommes nés, ou ceux avec lesquels nous ne sommes pas nés, puisque tous sommes nés innommés, deviennent la matière ou l'invention, si nous le souhaitons, avec lesquelles tisser ou alors détisser nous-mêmes. Nos vies, celles dont nous avons hérité, dont personne ne peut revendiquer la pleine propriété, mais seulement signer un bail pour une durée imprévisible, maisons louées desquelles sont peut-être déjà partis ces autres, nos autres nous-mêmes, les enfants. Nous-mêmes, en cela, sur notre chemin par-delà la mort, devenons la succession éternelle des héritiers. Cela et les autres aspects du moment immortel luisent dans la conscience par le rire ou les larmes, un instant de sympathie ou de malentendu, un échange de contact humain ou de délicatesse, ou un accord bientôt silencieux. Le cristal est un livre paru aux éditions La Barque, un poème de Konrad Haeken. Quel est le voyage? Et qui est le voyageur? Qui maintenant hisse la voile, larguant les amarres et sortant les rames, le timonier, la main sur la barre et les yeux tournés vers l'ouest? Quelle heure est-il maintenant sur le versant ouest des mondes et le versant ouest de l'esprit? Comme un mille pattes sur un miroir, la galère se tient invisible dans un brasier de lumière et cependant glisse en avant sur le miroir de l'éternité. Elle scintille comme un scarabée doré et les rames en rang frappent en harmonie, battent à l'unisson, soulèvent de l'eau, le phosphore et l'écume et cependant, comme la galère, sont immobiles. Ainsi tu es toujours là, la main sur la barre au centre de ta pensée qui est intemporelle. Toi-même, tu deviens cristal, tandis que nous, toujours coincés à l'ouest, sommes cependant présents, te devançant et attendons en silence. Merci Jacques Bonafé. Toutes les références des textes lus sont à retrouver sur votre page au sein du site de France Culture.